Petit-Jean. Je les ai dans ma poche. Tenez, voilà la tête et les pieds du chapon. Voyez-les et jugez. L'intimé. Je les récuse. Dandin. Bon, pourquoi les récuser? L'intimé. Monsieur, ils sont du Maine. Dandin. Il est vrai que du Mans, il en vient par douzaines. L'intimé. Messieurs. Dandin. Serez-vous long, avocat? Dites-moi. L'intimé. Je ne réponds de rien. Dandin. Il est de bonne foi. L'intimé, d'un ton finissant en fossé. Messieurs, tout ce qui peut étonner un coupable, tout ce que les mortels ont de plus redoutable, semble s'être assemblé contre nous par hasard. Je veux dire la brigue et l'éloquence, car, d'un côté, le crédit du défunt m'épouvante, et de l'autre côté, l'éloquence éclatante de maître Petit-Jean m'éblouit. Dandin, avocat, de votre ton vous-même, adoucissez l'éclat. L'intimé, du beau ton. Oui, da, j'en ai plusieurs. Mais quelques défiances que nous doivent donner la susdite éloquence et le susdit crédit. Ce néanmoins, messieurs, l'encre de vos bontés nous rassure d'ailleurs. Devant le grand Dandin, l'innocence est hardie. Oui, devant ce caton de basse Normandie, ce soleil d'équité qui n'est jamais terni, victris causa dis placuit, sed victa catoni. Dandin, vraiment, il plaide bien. L'intimé, sans craindre aucune chose, je prends donc la parole, et je viens à ma cause. Aristote, primo, péripoliticon, dit fort bien. Dandin, avocat, il s'agit d'un chapon, et non point d'Aristote et de sa politique. L'intimé, oui, mais l'autorité du péripathétique prouverait que le bien et le mal. Dandin, je prétends qu'Aristote n'a point d'autorité séant, au fait. L'intimé, Pausanias, en ses Corinthiaques. Dandin, au fait. L'intimé, rebuff. Dandin. Au fait, vous dis-je. L'intimé. Le grand Jacques. Dandin. Au fait, au fait, au fait. L'intimé. Arménopoul, imprompt. Dandin. Oh, je te vais juger. L'intimé. Oh, vous êtes si prompt. Voici le fait. Un chien vient dans une cuisine. Il y trouve un chapon, lequel a bonne mine. Or, celui pour lequel je parle est affamé, celui contre lequel je parle, hautain, plumé. Et celui pour lequel je suis prend en cachette celui contre lequel je parle. L'on décrète, on le prend. Avocat pour et contre, appelé. J'en prie, je dois parler, je parle, j'ai parlé. Dandin. Ta ta ta ta. Voilà bien instruire une affaire. Il dit fort posément ce dont on n'a que faire et court le grand galop quand il est à son fait. L'intimé. Mais le premier, monsieur, c'est le beau. Dandin. C'est le laid. A-t-on jamais plaidé d'une telle méthode? Mais, qu'en dit l'assemblée?